Alors, comme je dis souvent quand je prêche dans mon église, cette prédication va peut-être être différente que les autres prédications que vous avez déjà entendues. Je dis ça souvent parce que j'aime ça des fois changer l'approche, regarder les choses de manière différente. Puis ça aide souvent que le monde reste réveillé aussi. Donc, la dernière fois que j'étais ici, on a regardé Romains chapitre 8, puis je vous avais dit que la prochaine fois que j'allais venir, on allait parler plus un peu plus profond sur ce que la Bible enseigne, sur la souffrance, le malheur, etc. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le 26 avril 1986, une plante nucléaire explose à Tchernobyl, en Ukraine. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Il y en a eu une trentaine de personnes qui sont mortes dans les jours suivants. Dans les années depuis ces catastrophes, des milliers de personnes ont subi le développement de cancers, de déformations physiques et mentales. Pourquoi? Guerre mondiale 1 a commencé le 28 juillet 1914 et a terminé le 11 novembre 1918. Durant ces quatre années, plus que 16 millions de personnes sont mortes. La Deuxième Guerre mondiale. Mes deux grands-pères ont battu dans la Deuxième Guerre mondiale. Ça a commencé en 1939 et a fini en 1945. On estime, parce qu'on ne le sait pas, on estime qu'il y a eu 50 à 85 millions de personnes qui sont mortes durant cette guerre. On peut parler des multitudes de désastres naturels. En Chine, le fleuve Yangtze sort régulièrement de son lit. Si les habitants ont parfois le temps de fuir la zone inondable, ce ne fut pas toujours le cas. En cinq crues, 1887, 1911, 1931, 1935 et 1938, pas moins de 2 157 000 personnes ont perdu la vie juste à cause de cette rivière-là. Les inondations les plus meurtrières ont entraîné la mort de 900 000 et de 870 000. On pourrait parler de Haïti. Vous vous rappelez de ça? Moi, j'étais pasteur jeune à Trois-Rivières. On avait une gang de ma groupe de jeunesse qui était en Haïti en 2010, quand il y a eu un tremblement de terre. Le séisme 7.3 sur l'échelle Richter se produit dans une zone densément peuplée où les normes de construction étaient extrêmement larges. De nombreux bâtis ont écroulé et plus de 230 000 personnes étaient tuées. Quatre ans plus tard, la situation est toujours chaotique là-bas. On pourrait parler de maladies graves qui affectent la vie. Maladie d'Alzheimer, Parkinson. On estime qu'environ 7,6 millions de personnes meurent du cancer à tous les années. Mon grand-père est mort de cancer. Ma grand-mère est morte de cancer. Voilà un an et demi. Quand j'étais à l'école aux États-Unis, un des hommes avec qui était dans ma classe a perdu son garçon d'à peu près 5, peut-être 6 ans, à un cancer incurable. Ils avaient été dans tous les tests possibles. Ils avaient essayé des traitements qui étaient encore juste dans des tentatives. Est-ce que ça va marcher? On n'a aucune espèce d'idée, mais ça pourrait peut-être marcher. Il n'y a rien qui a marché, puis j'ai été au funérailles d'un garçon qui avait le même âge que ma fille. Une des pires funérailles que j'ai jamais dû assister. Le cancer est probablement devenu le tueur le plus connu au monde, à part peut-être l'avortement, mais on pourrait parler de ça une autre fois. C.S. Lewis, c'est un homme que j'ai étudié beaucoup, n'avait jamais eu l'envie de se marier. Il dit dans ses écrits, il n'a jamais eu envie de tomber en amour. Ce n'était pas quelque chose qui pour lui était intéressant. Il l'a dit lui-même. Tout d'un coup, il a réalisé qu'il aimait une madame qui s'appelait Joy Davidman quand elle était diagnostiquée avec cancer des os, un cancer très douloureux. Elle était diagnostiquée, puis le médecin avait dit qu'elle va mourir. Et là, tout d'un coup, C.S. Lewis réalise qu'il est en amour. Il n'avait jamais eu envie de tomber en amour. Ils se sont mariés à l'hôpital, sachant qu'elle allait mourir. Et ils ont prié que Dieu la guérisse. Et Dieu l'a mis en rémission pendant 5 ans. 5 ans plus tard, elle se retrouve dans l'hôpital et elle meurt de cancer. Après la mort de Joy, Lewis s'est tourné vers Dieu, tourmenté, demandant pourquoi Dieu l'aurait permis de goûter à la joie, une joie qu'il n'avait jamais voulu goûter, pour que Dieu l'enlève. Il dit, « Oh Dieu, Dieu, pourquoi t'es-tu donné tant de mal pour forcer cette créature à sortir de sa coquille si elle est à présent condamnée à y retourner en rampant, à y être aspirée en arrière? » Il dit, « Un appétit noble, longtemps insatisfait, avait enfin trouvé la nourriture qui lui convenait, et cette nourriture lui a été retirée brutalement presque aussitôt. Le destin, ou ce qu'on voudra, se plaît à créer une énorme capacité pour ensuite la frustrer. » Ce sont des mots qu'il écrit pas longtemps après la mort de sa femme. Ce livre-là, tu peux le trouver en France. Ben, je ne suis pas sûr que c'est disponible encore en français. Il s'appelle « Apprendre la mort » en français. C'est disponible en anglais sous le nom de « A Grief Observed ». Ce livre-là commence avec des paroles que, en les lisant, tu dirais qu'aucun chrétien ne devrait parler de même. Puis ça finit, par exemple, avec quelque chose d'autre. Une fois encore, il était frappé. Sa vie a été frappée par le cancer. Il dit, « Le cancer, encore le cancer et encore le cancer. Ma mère, mon père, ma femme, je me demande quel est le prochain sur la liste. » Dans son douleur, Lewis écrit ces mots. « Et pendant ce temps, où est Dieu? » C'est un des symptômes les plus troublants. Quand on est heureux, si heureux qu'on n'a pas conscience d'avoir besoin de lui, si heureux qu'on est tenté de ressentir ses prétentions comme une interférence, ça va bien. Puis là, tout à coup, on entend de Dieu veut que tu agisses de même. Mais ça va bien, fait que ces prétentions, ces instructions deviennent quasiment un problème dans notre vie plus que d'autres choses. Si on se ressaisit alors et se tourne vers lui dans la reconnaissance, dans la louange, on est accueilli, ou du moins on a l'impression, à bras ouverts. Quand ça va bien, puis on tourne vers Dieu, on a l'impression qu'il nous accueille. Mais, dit C.S. Lewis, allez à lui dans un besoin désespéré quand tout autre recours est vain, et que trouvez-vous? La porte qu'on vous claque au nez, et de l'intérieur, le bruit des verrous tirés à double tour. Après quoi, le silence. Autant s'en aller, plus on entend, plus on attend, plus le silence se fait profond. Hier, je parlais avec un homme qui souffre plus que j'ai jamais souffert de ma vie. Il sait que moi aussi, j'avais déjà des souffrances. Puis on était assis en train de jaser avec un café à parler justement de cette réalité-là. C'est quand que ça va mal. La question la plus difficile à répondre est « Pourquoi Dieu semble être si lent? » Parti en vacances, quand que je suis dans le plus creux de ma vie. Dans le livre de Job, on lit les mots suivants. Job, chapitre 14, verset 1. « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée ou troublée. » La vie n'est pas effectivement facile, c'est injuste, c'est douloureux, c'est la souffrance suivie par la souffrance, la maladie suivie par la maladie. La perte d'emploi, des conflits avec ta femme ou avec ton mari, des conflits avec vos enfants, des conflits avec vos amis, la mort. au début de son livre sur le problème de la souffrance, C.S. Lewis commence en disant ceci. Voilà quelques années, quand j'étais un athée, si quelqu'un m'aurait demandé « Pourquoi est-ce que tu ne crois pas en Dieu? » ma réponse aurait été quelque chose du genre « Regarde l'univers dans lequel on habite. » La majeure partie, de loin, consiste de l'espace vide, complètement noir et incroyablement froide. C'est arrangé pour que toutes ces formes de vie ne peuvent vivre à moins de s'attaquer les unes des autres. Dans les formes les moins complexes, ce processus implique seulement la mort. Mais dans les formes de vie plus complexes, il y a une nouvelle qualité nommée la conscience qui les permet d'expérimenter la souffrance. Les créatures causent la souffrance en étant nées et vivent en causant la souffrance. Et en souffrance, la majorité meurt. Il conclut en disant, « Toutes les histoires finiront dans le néant. Toute vie va finir comme ayant été une contorsion transitoire et vide de sens sur la face idiote de la matière infinie. » Quelle belle image de l'univers. « Si tu me demandes de croire que tout ceci est l'œuvre d'un esprit bienveillant et tout puissant, je réplique que toute l'évidence pointe dans une direction opposée. Soit qu'il n'y a aucun esprit derrière l'univers, soit qu'il y a un esprit indifférent au bien et au mal, soit un esprit malin. Mais surtout pas un esprit bienveillant. » Un matin, qu'est-ce que je veux? Vous avez, j'espère, été convaincu que la vie est maintenant douloureuse, malheureuse, difficile, souffrante. Peut-être que vous n'avez pas eu besoin de se faire convaincu de ça. Peut-être que vous vivez déjà dans la misère. Un matin, je veux regarder ce que la Bible dit au sujet de la souffrance. On va passer à travers la Bible. Je ne prends pas juste un texte. On va regarder premièrement les différents types de souffrance et maux, et aux malheurs que la Bible reconnaît, et ce que la Bible propose comme les causes principales de ces souffrances. Après ça, on va regarder deux problèmes qui soulèvent. Pourquoi le mal, par exemple? Pourquoi moi? Nous allons ensuite regarder la réponse biblique à la question de « Pourquoi moi? » Et nous allons terminer en répondant à la question « Comment alors répondre à la souffrance, le mal et les injustices qui m'arrivent? » La Bible reconnaît plusieurs types de souffrances, injustices et mal. Quand on lit à travers la Bible, on voit tous les types, en fait. On peut parler des souffrances naturelles. Les souffrances naturelles, c'est des choses qui arrivent parce que le monde continue à agir comme s'agit tout le temps, si on veut dire ça de même. Un fleuve déborde ses bornes, puis le monde meurt. Bien, pourquoi est-ce que le monde meurt? Bien, parce qu'ils sont dans la place où est-ce que le fleuve déborde. Il y a un tremblement de terre. Le monde meurt. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la place où il y a eu le tremblement de terre. Un lion attaque une chèvre, ben pas une chevreuil, là, mais les gazelles merveilleux, merci. Puis, il y a de la souffrance, il y a une mort. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'un lion, il a besoin de manger, puis la gazelle, ça fait un bel dîner. Quand tout va normalement dans l'univers, il y a des souffrances qui arrivent. Des fois, tu pourrais dire, ça serait peut-être insensible, tu pourrais peut-être dire à quelqu'un qui vient de passer à travers un tremblement de terre, ben, pourquoi tu vis là-bas? Il arrive toujours des tremblements de terre là-bas, déménage. Demande pas pourquoi tu as passé à travers ça, tu as passé à travers ça parce que tu vis où est-ce qu'il y a des tremblements de terre. Puis, d'un certain sens, c'est vrai, quoique insensible. Fait que je vous conseille de ne pas dire ça à personne. Je peux le dire juste en joke. La Bible parle de toutes ces formes de mal et de souffrance. Genèse chapitre 3, 16 à 19, parle des douleurs qui sont associées à la naissance d'un enfant. En fait, et ce qui est intéressant avec beaucoup des souffrances naturelles, souvent les souffrances naturelles sont causées par nous. Et Dieu donne comme conséquence au péché d'Adam et Ève que la femme va souffrir en donnant naissance à un enfant. On nous explique qu'en plus, les difficultés de la vie et de le travail est souffrant. Marc, chapitre 5, 11 à 13, les hommes avaient vu tous leurs cochons courir par-dessus d'une falaise pour mourir. Puis, d'un point de vue, ben, c'était une mal naturelle. Tous leurs cochons sont morts. Job, chapitre 1, 18 à 19, on parle des grands ventes qui ont fait tomber une maison sur les enfants de Job. Puis, ça a l'air d'un mal naturel. C'est un vent qui descend et qui fait tomber une maison. Genèse 6, on parle d'un déluge. Luc, chapitre 13, 4 à 5, on parle de la tour de Siloé à Jérusalem qui s'est effondrée, tuant 18 personnes. Ça a tombé. Jean, chapitre 9, 1 à 12, un homme né aveugle. Marc, chapitre 5, 25 à 26, la femme qui avait des pertes de sang depuis environ 12 ans. Les mâles, les souffrances naturelles. La Bible parle aussi, quoique peut-être un peu moins souvent, des souffrances qu'on pourrait appeler des souffrances émotives ou psychologiques. On pourrait dire que c'est des souffrances qui arrivent à l'intérieur de l'homme ou de la femme. C'est des souffrances qui ne sont pas nécessairement visibles à tous ceux qui sont autour. Puis des fois, quand tu vas regarder une personne qui souffre de cette nature-là, tu vas penser que tout va bien et tu vas peut-être trouver même que, regarde, deal avec, là, tu sais, passer par-dessus. Une souffrance de l'esprit n'est pas nécessairement reliée aux événements, mais ça pourrait être. Certaines n'ayant pas vécu ce genre de souffrance pensent que ce type de souffrance n'est pas une réelle souffrance. C'est juste dans vos pensées. Souvent, ils réagissent avec le mépris. Si c'est un homme, des fois c'est « Hey, sois un homme, saisis-toi là, sors de ton dépression » ou quelque chose de même. Ces personnes qui réagissent de même doivent faire face à la réalité que la Bible parle, la réalité des souffrances émotives. On le voit avec Jésus-Christ lui-même. En Luc, chapitre 22, 40 à 44, on voit Jésus dans le jardin qui expérimente qu'est-ce qu'on pourrait réellement décrire comme la souffrance psychologique et ses effets. Face à la mort, il est tellement pris par la peur et par l'inquiétude que son front saigne. Puis ça, c'est un... On sait c'est quoi, les médecins parlent de ça. C'est un effet qui arrive quand que tu es oppressé par beaucoup de stress. Jésus lui-même a souffert dans son esprit. La Bible parle aussi d'un autre type de mal qu'on pourrait appeler une mal ou une souffrance volontaire. C'est-à-dire que c'est une souffrance ou une mal qui est causée par quelqu'un doué d'une volonté. Toi-même, une amie, un enfant, quelqu'un que tu ne connais même pas. En fait, la réalité, c'est que la plupart des souffrances qu'on voit dans le monde, c'est des souffrances volontaires. La Bible explique que même des souffrances naturelles ont comme source, souvent, un être ayant une volonté. Par exemple, le livre de Job nous explique que le ventre qui a fait tomber la maison, tuant les enfants de Job, était causé par un être ayant une volonté, Satan. Ça peut avoir l'air comme un mal naturel. C'était en fait un mal volontaire. Le philosophe Alvin Plantinga dit que n'importe quelle réponse chrétienne à le problème du mal doit prendre en compte qu'il y a des forces de ténèbres qui veulent détruire l'image de Dieu en l'homme. Et honnêtement, la manière la plus facile de détruire l'image de Dieu en l'homme, c'est de le tuer. Si on revient aux morts des cochons en Marc 5, on nous informe que ce n'est pas juste des cochons qui sont partis en courant. C'est des démons qui sont rentrés dans les cochons, qui les ont fait courir pour tomber en bas des falaises. Mais n'importe qui regardant cet événement, sans avoir à on pourrait dire les lunettes divines, pourrait juste voir ça comme un mal naturel. Regarde, c'est des cochons, là. Ils sont partis en courant, le berger, là, faisait, ou, je ne sais pas ce qu'ils appellent des bergers de cochons, là, mais ils n'ont pas fait leur job, là, ils n'est pas là. Mais non, la Bible nous enseigne que c'était au contraire un mal volontaire. C'était des démons qui étaient à la cause de cette souffrance, de ce mal. La Bible parle des souffrances qui sont causées par la volonté des hommes, des meurtres, des viols, des guerres, des injustices de toutes les sortes. des souffrances, des événements malheureux qui sont causés par les anges déchus et des événements qui sont causés par la volonté divine. Comme le déluge, Genèse chapitre 6, dont son source, c'était Dieu. Sodome et Gomorre, Genèse chapitre 19, deux villes détruites par volonté divine. La destruction de l'armée de Pharaon, en Exode chapitre 14, jugement divin. Les morts d'Ananias et Saphira, en Actes chapitre 5. Et les multiples maladies et malheurs qui arrivent aux chrétiens, de Corinthe du moins, dû au péché non confessé, mentionné en 1 Corinthiens chapitre 11. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais c'est un verset qui, pour moi, c'est vraiment épeurant, honnêtement. Paul dit, est-ce que vous avez pensé que la raison pour laquelle il y a autant de malades et de morts parmi vous, c'est parce que vous prenez le repas du Seigneur de manière qui n'est pas correcte? Donc, vous devriez vous analyser, vous regarder vous-même avant de prendre le repas, pour le prendre de manière digne. Et donc, même les maladies parmi nous aujourd'hui, ça se peut-tu que ce soit un jugement divin sur ceux qui prennent le repas du Seigneur de manière indigne? La majeure partie de nos souffrances peuvent être, selon la parole de Dieu, reliées à l'action volontaire. Pierre et Paul, tous les deux, enseignent que si on brise des lois de la nation dans laquelle on vit, on est jugé de manière juste. Et on ne devrait pas se plaindre de ces mals, de ce jugement, parce qu'on l'a mérité. 1 Pierre chapitre 4, verset 15 et Romains chapitre 13, 2 à 5. On peut souffrir dû au péché, mauvaise décision et mauvaise action de nos parents. Exode chapitre 20, 5 à 6. Mais on souffre aussi à cause de nos propres péchés, nos propres mauvaises décisions et nos mauvaises actions. Deutéronome 24, 16, Ézéchiel 13, 20, Jérémie 31, 30, Romains 5, 12. Des querelles et des discordes dans les églises sont une forme de mal due à la volonté humaine. Jacques chapitre 4, verset 1. La Bible parle de toutes ces formes de mal. On vient de passer à travers plusieurs. La Bible en parle de toutes ces formes de mal que nous on vit à tous les jours. La question qu'on veut savoir, c'est la question qui a été demandée par les disciples de Jésus en Jean 9 et par les foules en Luc chapitre 13. C'est quoi cette question? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ceux qui souffrent et pourquoi est-ce qu'il y en a ceux qui ne souffrent pas? On veut demander la question du psalmiste quand il dit, pourquoi est-ce que les injustes profitent et les justes souffre. On va demander la question des apôtres quand le tour a tombé sur des gens. Est-ce qu'ils ont souffert parce qu'ils ont péché? Quand ils ont parlé du aveugle, qui était né aveugle, est-ce que c'est à cause de ses propres péchés ou des péchés de ses parents qui est aveugle? Ça, c'est la question des apôtres. Et Jésus va dire, c'est une fausse dilemme que tu me donnes là. Parce que la Bible répond à la question « Pourquoi le mal? » en donnant six raisons. 1. Certaines souffrances arrivent dues à nos propres désirs, nos propres appréhensions et nos propres perceptions. En fait, probablement, une bonne partie des souffrances qu'on vit, c'est à cause de nous. Et qu'est-ce que nous, on a fait? Jacques chapitre 4, 1. Les querelles et les conflits arrivent parmi nous parce qu'on poursuit chacun ses propres désirs et ses propres passions. Et nos passions et nos désirs rentrent en conflit. Jésus, dans le jardin, a souffert émotivement et psychologiquement parce qu'il voyait parfaitement toute la souffrance qu'il allait souffrir sur la croix, pas juste physique, mais spirituelle aussi. Souvent, les souffrances arrivent parce qu'on pense ou perçoit. Parce que parfois une souffrance émotive est valide, basée sur ce qui arrive ou ce qui pourrait arriver. D'autres souffrances sont causées par nos propres actions, désirs et leurs conséquences. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de blâmer Dieu dans ce temps-là. Et c'est souvent ce qu'on fait. Je peux vous dire tout de suite, je pensais à ça en s'en venant. Peut-être qu'il y aurait plus de paix dans l'Église, chez les chrétiens. Si au lieu de demander à Dieu, pourquoi est-ce que tu permets que je souffre, on mettait la blâme sur nous autres, puis on dit, pourquoi j'ai fait ça? Si on est en aide avec nous-mêmes, ce sont souvent nos propres actions et décisions qui causent nos souffrances. Troisièmement, d'autres souffrances pourraient être causées par les actions des autres et les conséquences de leurs actions. La Bible parle des mauvaises actions de ceux qui commettent le meurtre, le viol, etc. Puis des gens souffrent quand d'autres personnes font le mal. On pense parfois qu'on peut s'échapper belle, n'est-ce pas? On peut faire quelque chose de mauvais sans qu'il y ait un effet. On pense ça souvent. Quand on est dans le moment, puis on est en train de pécher, ou juste avant de pécher, on pense que si on fait attention, il n'y aura pas de conséquences. N'est-ce pas? La réalité est que tôt ou tard, toutes nos actions ont des conséquences. Sur nous ou sur des autres. Le péché, c'est comme le lèpre. Ça démange ton humanité tranquillement, jusqu'au temps qu'il n'y en a plus rien. À moins que tu t'en vas vers celui qui peut te guérir. Le lèpre, ça fait que tu n'as plus de sensation. Le problème avec le lèpre, c'est que tout d'un coup, tu perds des membres parce que tu les blesses. Quelque chose lui arrive et tu ne le sens pas. Et éventuellement, ton bras va tomber, tu vas perdre ton bras, tu vas perdre une main, tu vas perdre une jambe parce que tu l'as blessé, il continue à devenir pire. C'est un peu dégueulasse. Le péché est le même. Si tu persistes dans le péché, si tu laisses le péché avoir le contrôle dans ta vie, tu vas finir par disparaître. Comme le rouet sur un char. Le rouet n'arrête pas de la démanger. À moins qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui vient, puis qui détruit le rouet, puis qui l'enlève. Mais c'est sûr que le fait d'enlever le rouet, de le détruire, ce n'est pas une action qui est, on pourrait dire, si la voiture avait la capacité de ressentir, il ne serait pas très heureux avec la procédure d'enlever le rouet. N'est-ce pas? On prend un grinder, puis on coupe, ou on grinde. On enlève, puis on remplace. Le processus d'enlever le péché n'est pas plus facile. Souvent, c'est pire. Mais si on le laisse prendre le dessus sur nous autres, on va être consumé par nos propres péchés. Et non seulement est-ce que nos péchés vont nous consommer, ils vont détruire tous ceux qui sont autour de nous autres. C'est là où on voit cette avertissement en Exode chapitre 20, 5 à 6, quand que Dieu dit que les conséquences des péchés des parents vont être expérimentées par leurs enfants pendant plusieurs générations. La Bible parle aussi des souffrances ou circonstances malheureuses qui sont causées par les êtres naturels qui agissent selon leur volonté. La Bible parle des souffrances et circonstances causées par des anges déchus, puis des souffrances qui sont données directement de Dieu. Voilà toutes les raisons. Tu veux demander pourquoi est-ce que je souffre? Je viens de vous donner 6 raisons. C'est pour ça que tu souffres. Ça peut être à cause de tes propres actions, ça peut être à cause de tes propres pensées, ça peut être à cause des actions des autres, ou les conséquences de tout ça. Ça pourrait être à cause d'un ange déchu qui t'attaque. Ça pourrait être la conséquence de Dieu dans ta vie. La Bible explique que les nations qui ont attaqué Israël étaient envoyées par Dieu pour juger Israël. Fait qu'Israël pourrait demander la question, pourquoi est-ce qu'on se fait attaquer, massacrer, puis amener en esclavage? Puis la réponse, tu as désobéi Dieu. Et Dieu avait promis, si tu m'as désobéi, c'est ça qui va arriver. C'est Dieu qui a détruit son Sodome. Dieu juge d'ailleurs l'humanité, selon Paul, en laissant l'homme s'étourdir perpétuellement en descendant toujours dans son péché. Romains 8, 1, 18 à 32. Le jugement de Dieu. Des fois, on regarde le monde, puis on, dans un moment de piété malsaine, on regarde notre monde autour de nous autres, puis on demande pourquoi est-ce que Dieu ne juge pas ce monde impie. Puis la réponse de Paul, c'est Dieu est en train de le juger. En Romains chapitre 1, nous voyons le jugement de Dieu qui est, Dieu les a laissés dans leur péché. Dieu les a laissés aller plus loin. Dieu les a laissés aller plus loin. Autrement dit, le fait qu'une personne ou une société ou une nation s'éloigne de la moralité en acceptant comme bien ce qui est mal, c'est un jugement de Dieu sur cette nation ou cette personne. Mais, on pourrait arrêter là. On a traité des souffrances et des malheurs, et on a vu toutes les raisons pour lesquelles ils arrivent. Ça va? Il me semble que ça nous laisse avec deux questions, par exemple, minimalement. La réalité, premièrement, c'est que quand on regarde les souffrances dans nos vies, nous avons réellement la misère de dire exactement pourquoi ça nous arrive. On a regardé les 6 raisons qu'on voit dans la Bible. Mais quand on souffre, si on est honnête avec nous-mêmes et ceux qui nous entourent, on doit admettre que beaucoup de ce qu'on vit n'est que la conséquence réelle de nos actions, mais parfois, ce n'est pas le cas. Regarde Job. Dieu dit que Job était un homme juste. Et nous savons exactement pourquoi Job a souffert. C'est quasiment, c'est pas quelque chose qu'on souhaiterait. Satan qui s'en va à Dieu, puis ton serviteur Job, je te gage que je suis capable de le faire perdre sa foi en toi. Puis Dieu regarde Job, puis dit, pas une chance. Fais ton pays, je sais qu'il va rester fidèle. Est-ce que Job a souffert par quelque chose que lui a fait? Non, à moins qu'on va dire qu'il a souffert parce qu'il était fidèle à Dieu puis juste. Job a souffert parce que Satan voulait l'attaquer. Et Dieu a pensé que Job était assez fort pour passer à travers les attaques de Satan. Une des choses que j'ai réalisées dernièrement, c'est que parfois on souffre. Non à cause de quelque chose que nous avons besoin d'apprendre, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans notre environnement qui a besoin d'apprendre quelque chose. Et Dieu sait qu'on est assez fort pour subir cette souffrance et pour passer à travers. Et que par notre exemple, cette personne va devenir plus fidèle, va donner sa vie à Jésus-Christ. Va s'engager pour le Seigneur. Je ne sais pas. Va s'engager à être plus fidèle à sa femme, peut-être. Mais Dieu sait que toi, dans ta souffrance, tu vas rester fidèle. Et donc, il te permet de souffrir pour le bien de quelqu'un d'autre. Je dois vous avouer, le fait qu'on est rarement capable de mettre le doigt sur la raison précise pour nos souffrances, ça fait en sorte que ça me fatigue quand que j'entends des bonnes amies comme ceux de Job qui disent à quelqu'un dans leur église, et j'en connais quelques personnes qui ont été réellement attaquées par des personnes dans leur église de cette manière, et je dis attaquées par exprès. Si tu souffres, ça doit être parce que tu as péché. Qu'est-ce que tu as fait? Tu devrais te repentir, puis peut-être que Dieu va t'enlever cette souffrance. Quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ, est-ce que cet homme est aveugle à cause de ses propres péchés ou les péchés de ses parents? La réponse de Jésus-Christ, c'était non, c'était pour la gloire de Dieu. Ça peut arriver qu'on souffre à cause de nos propres actions et nos propres péchés. Mais nous ne sommes pas bien placés pour regarder dans la vie des autres, pour dire, tu souffres à cause de vos péchés. Il faut donc que dans ces moments-là, on fait ce que les amis de Job auraient dû faire. Se taire et souffrir avec Job. Le deuxième problème, qui est un peu plus difficile à répondre, honnêtement, c'est « Pourquoi moi? » Parce que, comme C.S. Lewis fait remarquer dans un de ses écrits, c'est bien beau donner une réponse théologique ou philosophique à le problème du mal. Si Dieu existe, pourquoi il peut avoir du mal? Ça, c'est relativement facile. La question qui est difficile à répondre, c'est « Pourquoi moi? » Pourquoi est-ce que, ok, je comprends que le mal arrive, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que Dieu permet que mon grand-père meure de cancer quand il n'a même pas atteint les 60 ans? Pourquoi est-ce que Dieu permet à mon ami qu'il perde son enfant de 4-5 ans? Il peut demander ça quand que mon ami il voit ma fille de 4-5 ans qui est joyeuse, pleine de vie. Il pourrait demander pourquoi moi et pas lui? Ou comme David demande dans les psaumes. Pourquoi est-ce que l'injuste profite et le juste souffre? Pourquoi moi? Encore, des fois c'est facile de répondre à cette question. Si on est honnête avec nous-mêmes, la réponse est tout simplement, regarde, tu as pris une mauvaise décision, avoue-la, puis c'est probablement la meilleure chose que tu pourrais faire. Souvent, si on avoue, OK, j'ai fait une mauvaise décision, j'ai péché, j'ai pris la décision de faire ça, c'est ça qui est arrivé. Si on est capable d'avouer ça, souvent, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour par la suite passer par-dessus ou passer à travers la souffrance. Il faut l'accepter la réalité quand c'est la vérité, mais des fois, ce n'est pas aussi évident. Comme dans le cas de Job, qui a souffert sans cause. C'est-à-dire, il a souffert sans qu'il ait fait quelque chose. Mais pourquoi donc est-ce que les souffrances arrivent? La première réponse, c'est assez évident, des fois c'est parce qu'on pêche. Mais à part de ça, on pourrait dire que quand Job voulait demander à Dieu pourquoi, la réponse que Dieu lui avait donnée, c'était quasiment une non-réponse. Est-ce que vous avez jamais vu ça? Quand on lit à travers Job, et Job dit, je veux avoir mon journée devant le Seigneur pour demander pourquoi je souffre. Puis à un moment donné, Dieu lui donne qu'est-ce qu'il veut. Il vient, puis il parle. Il s'entretient. Et Dieu lui répond. Mais sa réponse n'est pas une réponse à la question pourquoi. Est-ce que vous avez vu ça? Il ne dit pas à Job pourquoi il souffre. Il ne parle même pas du fait que Satan était venu voir Dieu pour dire, je peux le faire tomber. Du tout. La réponse de Dieu est essentiellement ceci. Je suis le créateur souverain de tout l'univers, y compris toi. Je soutiens et je garde en existence toutes choses, y compris toi. J'ai inventé les espèces. Je m'assure qu'ils fonctionnent selon leur espèce. C'est moi qui fais que l'univers au complet est comme elle est. T'es qui pour questionner? Moi. C'est ça que Dieu dit essentiellement. Est-ce que tu connais mieux que Dieu ce qui est bon pour toi? Ou pour un autre? Est-ce que tu vois mieux que Dieu où est-ce que les circonstances vont t'amener? Nous ne voyons pas demain, oublie ça, la fin de nos vies. Est-ce que nous, on sait mieux que celui qui nous a créés, mieux que celui qui est souverain sur l'univers, qu'est-ce qui devrait nous arriver? Parce que quand on demande la question « Pourquoi Dieu? » on est en train de dire « Dieu, je pense que j'ai une meilleure idée que toi. Qu'est-ce qui devrait m'arriver? Nous, nous sommes limités dans un temps, dans un tout petit espace, tout petit espace. La plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on devrait faire dans les circonstances. Je vais vous dire honnêtement, comme pasteur, j'ai des gens qui viennent me voir pour me demander qu'est-ce que je devrais faire dans les circonstances, puis je vais t'avouer, il y a beaucoup de moments dans ma propre vie où ce que je ne sais pas plus qu'eux autres, qu'est-ce que moi je devrais faire. C'est ça la réalité. Nous ne voyons pas demain. Nous avons une misère de prendre des décisions sages tous les jours. Encore plus de misère quand c'est une décision importante qui pourrait avoir un effet sur notre avenir. Quand on demande la question à Dieu, on est en train de dire, « Dieu, je pense que tu as fait une gaffe. » Mais on est qui pour dire à Dieu, « Je pense que tu as fait une gaffe. » Quand on n'est même pas capable de planifier nos propres vies pour la journée de demain, comme il faut. Qui sommes-nous, en fin de compte, pour demander à Dieu pourquoi ça m'arrive? Ça, c'est une première réponse. Et je vais t'avouer pour moi-même, dans ma propre vie, c'est la réponse que je préfère la plus. La question de pourquoi moi, je ne le demande pas. Parce que je sais que Dieu est souverain. Mais la Bible nous donne d'autres enseignements sur le sujet. Il ne nous laisse pas dans le « arrête de demander le pourquoi ». La Bible nous dit plusieurs raisons pourquoi. Par exemple, premièrement, pour former notre caractère, pour qu'on devienne de plus en plus comme son fils. La Bible nous explique que des fois, on passe à travers la souffrance pour notre propre sanctification. La Bible nous enseigne que parfois, on passe à travers la souffrance pour former le caractère des autres, pour leur sanctification. Et donc, si vous souffrez aujourd'hui, au lieu de demander « Pourquoi, Dieu, est-ce que tu me fais souffrir? » Peut-être que tu devrais plutôt demander « Dieu, comment à travers ma souffrance, je peux être un exemple pour quelqu'un d'autre? » Pour leur montrer ta face. Une autre raison que la Bible donne, c'est pour nous ramener à lui. Des fois, on souffre parce qu'on s'éloigne. Et on ne réalise même pas peut-être qu'on est en train de s'éloigner. Et Dieu nous fait souffrir pour nous ramener à lui. Des fois, on souffre, selon la Bible, pour amener une autre à lui. Et donc, c'est peut-être que ta souffrance aujourd'hui, demain, dans les années à venir, c'est même pas en rapport avec toi. Peut-être que c'est en rapport avec quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu ne connais pas encore. Et que la manière que tu vas réagir à cette souffrance va faire soit l'éloigner de Dieu ou la ramener à Dieu. Dieu utilise les souffrances pour nous former, nous ramener à lui, pour former des autres et pour amener d'autres à lui. C.S. Lewis disait, « Nous pouvons ignorer même le plaisir, mais la souffrance insiste qu'on lui donne notre attention. » Quand que ça va bien, on ne pense pas à Dieu. C'est drôle comment que tout d'un coup, quand ça va mal, la prière devient une priorité. Est-ce que vous avez vu ça? Quand ça va bien, la discipline pour la prière, la lecture de la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Mais quand que ça va mal, tout d'un coup, on pense à jeûner et prier. Il dit, Dieu nous murmure dans nos plaisirs, nous parle dans nos consciences, mais il gueule après nous dans nos souffrances. La souffrance est son haut-parleur pour réveiller un monde qui est sourd. Troisièmement, la Bible enseigne, depuis les premiers chapitres de Genèse, que Dieu a déjà résu et a mis en marche. Notez bien, j'ai dit, il a déjà résu depuis l'éternité. C'est fini. Avant même que le monde ait été créé, la solution pour le problème du mal était déjà planifiée et en marche. Et Dieu a mis en marche dans le temps, dans la vie de Jésus-Christ, la solution pour le problème du mal. Le Christ, la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, il est mort sur la croix dans l'injustice et l'opprobre. Il était rejeté par sa propre famille. Il était abandonné par ses amis. Il était fouetté. Il était moqué. Il était tué. Mais il est aussi ressuscité. Et par sa résurrection, il a résolu le problème du mal. Il a détruit l'ennemi final, la mort. Comment donc répondons? Comment est-ce qu'on devrait en fait répondre au problème du mal? Quand que ça va mal dans nos vies, c'est quoi qu'on devrait faire? Bien, il y a deux approches, il y a deux réactions qu'on a souvent quand que ça va mal. Un, c'est une crise de bacon. Ça a l'air peut-être un peu différent à l'âge d'adulte que quand c'était petit, quand on était petit. Quand on était petit, puis des choses n'arrivaient pas comme on voulait. Des fois, on se pitchait à terre, puis on criait, puis on gueulait, puis on cognait notre tête quelque part, jusqu'à temps que nos parents nous donnaient ce qu'on voulait. À l'adulte, ça a l'air un peu différent, mais c'est une de nos réactions. Deuxièmement, souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est... Et combien de personnes que je connais qui ont fait ça? Quand ça va mal, on pointe le doigt à Dieu et on nie qu'il existe. Ce qui d'ailleurs, juste pour vous dire, là, c'est un peu incohérent. Quand ça va mal, on dit c'est la faute de quelqu'un qui n'existe pas. Attends une minute là. C'est parce que ça ne peut pas être la faute de Dieu s'il n'existe pas. Puis si tu veux vraiment blâmer Dieu, ben il faut que tu avoues qu'il existe. Vous voyez un peu l'incohérence? Mais souvent, c'est ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que la souffrance, quand on souffre, on n'est pas tout là, honnêtement. Si on y pense comme il faut, quand on souffre, des fois, on fait des choses incohérentes. Puis on blâme Dieu et on arrête de croire dans son existence. Imaginez le petit garçon qui se brûle le doigt sur un foyer. Tu sais, j'en ai un foyer chez nous, j'en avais dans mon ancienne maison, j'avais un poêle à bois dans le sous-sol, puis on disait aux enfants, tu ne touches pas ça. Imaginez mon enfant qui, à un moment donné, s'en va, il touche, il se brûle, et sa réaction immédiate, c'est la faute de mon père, il ne m'a pas arrêté, et il n'existe pas. Attends une minute, là. Wow. Il peut être, tu pourrais avoir des mauvais parents, mais tu ne peux pas avoir des parents qui sont à la fois mauvais et non existants. Et ça va le même pour Dieu. Tu ne peux pas dire que c'est sa faute et dire en même temps qu'il existe. Tu ne peux pas. Il y a un autre type de réponse qu'on pourrait faire. C'est celle que recommande la Bible. C'est celui que j'aimerais vous présenter en conclusion. C'est simple, d'un certain sens. C'est simple dans le sens que c'est facile à dire. C'est un peu moins simple quand on souffre. Mais, d'un certain sens, si on parle de ça le matin, c'est pour nous préparer pour la souffrance ou pour nous aider à travers là. C'est quoi la réponse qu'on devrait faire? C'est quoi la réponse que la Bible nous enseigne? Tournez nos regards vers Jésus-Christ. Tournez nos regards vers Jésus-Christ. Dieu fait homme. Celui dont la nature était divine, qui s'est humilié en prenant sur lui une nature humaine. Mais pas juste, il aurait pu venir comme un roi. Il n'est pas venu comme un roi. Il est venu comme un charpentre menuisier, comme un enfant d'un charpentre menuisier. Il est devenu un charpentre menuisier. Il a travaillé ça dur dans sa vie. Il aurait pu vivre dans la royauté. Il est Dieu. Il aurait pu choisir de venir comme il voulait. Il a choisi de venir comme un de nous autres. Sans la richesse. Mais il n'est pas juste venu devenir un homme pour mourir tranquillement, éventuellement dans son lit. Il est mort d'une des pires manières que tu pourrais imaginer. De manière injuste, abandonné par tout le monde. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous représente auprès de Dieu, qui ne comprend pas nous dans nos expériences. Il nous comprend. Il a vécu. Il a pleuré. Le plus petit verset dans la Bible, en anglais du moins, Jesus cried. Jésus a pleuré. C'est deux mots en anglais, fait que c'est encore plus court. Je pense qu'en français, c'est Jésus pleura, c'est ça? Fait que deux mots pareils, ça marche. Et c'est intéressant, hein, parce que dans ces deux petits mots-là, nous voyons que notre Sauveur a souffert comme nous. Donc, tournons notre regard vers Jésus-Christ. Et j'ai trois choses à soulever ici. Premièrement, est-ce qu'on est mieux que Jésus-Christ pour que Dieu nous épargne de la souffrance quand il a permis à son propre fils de passer à travers le pays? Est-ce qu'on se pense mieux que lui pour qu'on demande et on crie après Dieu pour qu'il nous enlève la souffrance quand Dieu n'a pas enlevé son fils de la croix? Première chose, tournez nos regards vers Jésus-Christ. Deuxième chose, deuxième réponse, tournez nos regards vers Jésus-Christ. Dieu fait homme, mort sur une croix romaine, tué par son propre création. Il a souffert le juste pour l'injuste et de manière injuste. Mais, tournons nos regards vers Jésus-Christ, parce qu'il n'a pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous avons la même promesse. Sa résurrection, c'était la garantie que nous, après notre souffrance, nous allons aussi être ressuscités avec lui. Que nous avons une vie qui s'en vient, qui est meilleure. La résurrection de Jésus-Christ est la garantie de notre propre résurrection. Jésus a souffert, nous aussi on souffre. Jésus, par exemple, est ressuscité et nous allons être ressuscités avec lui. Notre espérance n'est pas dans ce monde, disait Paul. Vous vous rappelez de la dernière fois, j'espère? Mais pour le monde à venir. Comme disait Paul, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances de ce monde et la gloire qui va être révélée à nous. Dieu se donne à nous. Il est la réponse au problème du mal. Troisième chose qu'on doit faire quand on souffre. Tournez vos yeux vers Jésus-Christ. Tout de suite. Et nous allons avoir, même dans ce vie, une joie qui dépasse la compréhension. Une paix incompréhensible, une espérance qui est au-delà de tout ce qu'on pourrait espérer ici. Et encore mieux, de toute cette joie, paix et espérance qu'on pourrait avoir ici, nous allons avoir la réconciliation avec Dieu qui nous donne la joie, la paix, le bonheur pour l'éternité. Comment est-ce qu'on répond à le problème du mal? On tourne nos regards. Père Jésus-Christ, prions. Merci Seigneur pour ton sacrifice. De voir tes souffrances, ta misère, ton humilité, nous aide à détourner notre regard de nos propres souffrances, puis de tourner vers toi pour te glorifier. Seigneur, il y a des gens ici qui souffrent. Il y a des gens partout au Québec qui souffrent, Seigneur. Ce vie est remplie de souffrances, mais Seigneur, on sait que tu as envoyé ton Fils comme un homme pour mourir, pour qu'on pourrait avoir une vie éternelle, sans souffrance, dans ta présence. Aidez-nous, Seigneur, quand on souffre, quand ça va mal, de tourner nos regards vers toi, de trouver notre paix notre joie en toi, pas dans les choses de ce monde, en sachant que tu es la source de tout bien. Et il n'y a pas d'autre bien qu'on a besoin que toi. Que ton nom soit glorifié, même dans nos souffrances, Seigneur. Dans ton nom, Amen.